السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا ونسأله سبحانه وتعالى العون والتسديد. Nous continuons donc la lecture de notre épître, les quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc, quatre règles qui, comme cité hier, seront des règles donc tirées du Coran et de la Sunna, qui vont permettre au lecteur de faire une différence claire entre din ou al-anbiya et al-mursalin, la religion des prophètes et des messagers, ou din al-mushrikin, et la religion des mushrikin. Nous sommes donc arrivés à la deuxième règle, qui, comme cité dans le cours précédent, vient comme une réponse à une question qui pourrait être posée. Cette question est après que l'on ait compris que les polythéistes qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que même avec cela, ils n'étaient pas entrés en islam, car ils prenaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités qu'ils adoraient en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et donc cette question serait: pourquoi alors ces polythéistes adoraient-ils avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, alors qu'ils savent très bien et qu'ils reconnaissent, comme Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran, qu'ils reconnaissent qu'Allah est leur seul créateur et qu'il est le seul à administrer toute chose, et donc il est le seul à mériter l'adoration. Donc la réponse se trouve dans les propos de l'auteur rahimahullah, qui nous dit dans la deuxième règle, il nous dit rahimahullah al-qa'idatu thaniya, et qu'ils disent, donc les mushrikoun, qu'ils disent: nous ne les adorons et ne nous dirigeons vers elles, donc vers ces divinités, que pour demander la proximité d'Allah et l'intercession. La preuve concernant la proximité, le fait qu'il demande la proximité, qu'il recherche à travers l'adoration qu'il dirige vers ses divinités, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole d'Allah qui nous dit d'après l'essence du verset: et ceux qui ont pris d'autres alliés en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَذَا قَوْلُهُمْ. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala: en vérité, Allah jugera entre eux sur ce sur quoi ils divergent. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Et il nous dit ensuite, rahimahullah, donc surat Az-Zumar, verset numéro 39, et la preuve concernant leur demande d'intercession, le fait qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but d'avoir l'intercession. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Donc ils reconnaissent que ces divinités ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter, mais ils disent: هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, nous voyons donc dans cette réponse l'ambiguïté sur laquelle ces polythéistes étaient et sur laquelle ils se basaient pour cautionner le fait qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils invoquent en dehors de lui d'autres divinités. Donc, ils prétendent que ces divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala vont seulement les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le but ultime est d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce que vont dire beaucoup de mushrikoun fi zamanina. Comme cela a été à l'époque de l'auteur rahimahullah. Donc, ils prétendent que ces divinités vont les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et vont intercéder pour elles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que leurs demandes soient exaucées. Comme le ferait un être humain, mathalan, wallillahi al-mathalul a'la, qui aurait besoin de demander une chose, mathalan, à un gouverneur ou bien un roi, qui ne peut atteindre directement du fait du haut rang de cette personne et du bas rang que à cette personne qui veut demander. Donc il passera alors par ses ministres ou bien par les personnes qui sont proches de lui, qui pourront intercéder pour lui et faire en sorte que ce roi ou ce gouverneur exauce la demande de cette personne. Et donc, en faisant cela, ils ont donc, en plus de faire du shirk akbar, donc en plus du fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, dans le fait qu'il est possible que des créatures viennent intercéder auprès de lui subhanahu wa ta'ala sans qu'il ait autorisé cela, et que ces personnes puissent le forcer à se soumettre aux demandes de ces personnes qui viennent intercéder. Comme le ferait une personne dans ce bas monde, comme cité, qui irait voir des personnes qui sont proches d'un gouverneur pour que ces personnes intercèdent pour lui auprès du gouverneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela du shirk et a montré qu'ils sont menteurs dans cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intercédeurs, de personnes qui viennent intercéder auprès de lui subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala répond à celui qui l'invoque et n'a aucunement légiféré cela. Donc, ce qu'ils font est du shirk, même s'il est appelé par un autre nom. Donc ici, ils vont appeler cela demande de proximité, talab al-qurba, ou bien demande d'intercession, talab al-shafa'a. Mais cela n'est que de la mécréance et du shirk akbar, car en faisant cela, ils vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des adorations qui ne méritent d'être dirigées que vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'invocation, comme al-istighatha, la demande de secours, comme le fait de sacrifier pour ces divinités-là. Et donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette ambiguïté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin donc du verset de sourate Yunus que l'auteur a cité rahimahullah. Donc après que ils disent, donc Allah nous dit à leur sujet, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna. Allah dit juste après cela subhanahu wa ta'ala, dit qul أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dit, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Gloire et pureté à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a clairement appelé cela du shirk. سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc eux, ils ont appelé cela talab al-shafa'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela shirk. Donc ce qui compte n'est pas l'appellation que ces gens-là vont donner à leur acte. Ce qui compte est la réalité de leur acte. Ici est le fait qu'ils aient dirigé vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des invocations. Celui qui va se diriger vers une tombe et qui va demander aux morts qui prétend être un pieu ou un wali de lui accorder un enfant, ou bien de demander pour lui à Allah de lui accorder un enfant, aura fait du shirk. Car il a invoqué cette personne-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisaient les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement appelé cela shirk, subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Et donc il faut savoir que cette ambiguïté-là est encore présente de nos jours chez certains adorateurs des tombes, parmi Roulette al-Soufiya, mafalan, ceux qui exagèrent parmi les soufis, ceux qui sont encore plus d'exagération parmi les soufis, et autres qui prétendent que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que des intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette ambiguïté-là a été réfutée par le verset cité par l'auteur rahimahullah, et aussi par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Az-Zumar, qui a dit, après avoir cité ce qu'ils disent, lorsqu'ils disent « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa » donc nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Allah répond à cela juste après en disant « Certes, Allah ne guide pas tout menteur grand ingrat. » Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Donc ils sont menteurs dans cela. Ils sont menteurs dans ces propos lorsqu'ils disent que ces divinités qu'ils ont prises vont les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils imputent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'est pas vrai, car Allah n'a jamais légiféré cela et ils n'ont aucune preuve dans ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune preuve dans ce qu'ils disent. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Et si mon serviteur te questionne à mon sujet, alors je suis certes proche. Je réponds à l'invocation du demandeur lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucunement légiféré de mettre un intermédiaire entre lui et son serviteur dans l'adoration. L'adoration se fait directement vers lui subhanahu wa ta'ala. Fa'inni qarib, je suis proche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même répond à l'invocation de celui qui l'invoque subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur rahimahullah cite après cela dans la même règle un point qui concerne al-shafa'a, l'intercession. Donc, car cela fait partie des ambiguïtés à laquelle s'accrochent ces polythéistes. Il nous dit, rahimahullah. Et l'intercession est de deux types. Une intercession qui a été niée, donc dans le Coran, et une intercession qui a été confirmée, qui a été affirmée dans le Coran. Il nous dit, l'intercession niée est celle qui est demandée auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour une chose que seul Allah est en mesure d'accomplir. La preuve en cela est sa parole subhanahu wa ta'ala. D'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a nié l'intercession. Il nous dit ensuite, rahimahullah, deuxièmement, l'intercession qui a été confirmée, qui a été affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle l'intercesseur est honoré. Al-Shafi'a mukramun bi-shafa'a. Donc l'intercesseur est honoré. Quant à celui qui, pour qui on intercède, il est celui dont Allah a agréé sa parole et son œuvre. Et après que Allah en ait donné la permission. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc l'auteur ici nous informe que l'intercession al-shafa'atu dans le Coran est de deux types. Naam. Car celui qui lit le Coran verra que à certains passages Allah subhanahu wa ta'ala a nié l'existence de l'intercession comme dans sa parole. Voilà shafa'a. Donc il n'y aura ni intercession yawm al-qiyama. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nie l'intercession, c'est-à-dire que il n'y aura personne qui pourra intercéder auprès d'Allah dans le but de profiter à une autre, dans le but de repousser d'elle le châtiment, ou bien de la faire entrer au paradis ou autre, comme le prétend al-mushrikoun. Et à certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala affirme cette intercession. Donc il affirme qu'il y aura yawm al-qiyama une intercession. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, man yashfa'u 'inda Allah illa bi'idni. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc ça montre que certains pourront intercéder, mais avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et aussi dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Et ils ne peuvent intercéder que pour ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est agréé. Donc on voit ici qu'Allah a affirmé et a nié. Donc pour comprendre cela, il faut savoir, donc, comme l'a cité l'auteur, que l'intercession est de deux types. Donc la première, celle qui a été niée, est celle qui a été prétendue par les mouchikines, qui est le fait qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, d'autres serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur demandant ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accomplir. Donc elle est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Et elle est faite par des personnes qui ne sont pas agréées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici celle qui est niée, celle qui est pour les mouchriquins. Donc ceux qui sont sur du shirk n'auront aucun droit à la shafa'a. Et ceux qui la demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est voulu par les versets qui nient l'intercession, celle-ci. Celle qui est demandée par les mouchriquins à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième intercession, celle qui a été affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, elle est celle qui remplit deux conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran. Premièrement, qu'elle soit bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ba'da idhnillah, après qu'Allah l'ait autorisé. Donc personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah l'ait autorisé à intercéder. Tayyib. Donc c'est-à-dire, donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de dire mathalan, oh Allah, fais intercéder pour moi ton messager yawm al-qiyama. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux mouchrikoun qui vont demander directement à autre qu'Allah, donc ils vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc première des conditions est qu'elle soit demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis deuxième condition est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit agréé de l'intercesseur. Donc il soit agréé de celui qui intercède et de celui pour qui on intercède. Car nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est agréé que des gens du tawhid. Donc, et qu'il n'agréé aucunement le shirk et la mécréance. Donc on comprend de cela que le mushrik n'a aucun droit à cette intercession. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Az-Zumar, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, et ne leur profitera en rien l'intercession de ceux qui intercèdent. Donc les mécréants et les mouchrikoun n'ont aucun droit à cette intercession, car ils ne remplissent pas les conditions pour l'obtenir, qui sont l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, deuxièmement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit agréé de celui qui intercède et de celui pour qui on intercède. Et donc, et ces deux conditions-là ont été réunies dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans surat al-Najm, d'après le sens de sa parole, وَكَأَيِّمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et combien d'anges dans le ciel dont l'intercession ne sera profitable qu'après qu'Allah l'ait autorisé, et pour qui il souhaite et pour qui il agrée. Donc ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est autorisé et qu'il l'agrée. إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ, après qu'Allah ait autorisé, لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى, donc pour celui qu'Allah souhaite et qu'il agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est agréé que des gens du tawhid, al-mu'minoun. Donc, sans autorisation et sans agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune intercession. Et c'est ce qui est voulu par les versets dans lesquels l'intercession a été niée. Et ce verset cité dans Sourate An-Najm nous montre aussi que, en plus des prophètes, les serviteurs pieux, les anges, eux aussi, pourront intercéder yawm al-qiyamah pour les serviteurs pieux, après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela par le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que certains serviteurs, mathalan, n'entrent pas au feu, pour ceux qui seront morts sur des grands péchés et qui mériteront d'être châtiés, ou bien que certains serviteurs sortent du feu de l'enfer, ou bien pour élever certaines personnes en degré au paradis. Comme cela a été cité dans les hadiths, et cela fait partie de Aqidat al-Sunnati wal-Jama'a, le fait d'affirmer la shafa'a, donc l'intercession, à l'inverse des khawarij qui nient l'intercession. Puis, l'auteur rahimahullah cite un autre point dans cette règle, qui lui aussi peut être une réponse à une question qui peut être posée. Cette question est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que yawm al-qiyama, certains serviteurs intercéderont pour d'autres, donc le jour dernier. Donc pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que certains serviteurs intercèdent pour d'autres, pour l'entrée au paradis, ou bien pour le fait de sortir du feu ou autre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de leur pardonner sans cette intercession? Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, donc il est capable de te pardonner sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi, ou bien sans qu'un de tes proches pieux intercède pour toi, ou sans qu'un ange intercède pour toi. Donc la réponse à cette question est dans les propos de l'auteur rahimahullah, qui nous dit à propos de l'intercession qui est acceptée, qui est affirmée, il nous dit, c'est celle qui est sollicitée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui est la véritable intercession. Il nous dit, et celle par laquelle l'intercesseur est honoré. Donc ici, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura permis d'intercéder aura été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici une des sagesses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait que certains serviteurs pourront intercéder pour d'autres. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, te permet d'intercéder pour un de tes proches yawm al-qiyama, il t'aura, à travers cela, honoré et élevé et aura montré ton rang aux yeux du reste des serviteurs. Cela comme il est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama, comme on le sait, qui est le seul à pouvoir intercéder pour al-shafa'atul uzma, donc la plus immense des shafa'a, qui est celle qui sera pour que le jugement commence yawm al-qiyama pour toutes les créatures. Donc ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après son autorisation devant toute l'humanité. Un point qui vient montrer le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il soit le meilleur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des êtres humains. Ensuite, l'auteur rahimahullah passe à la troisième règle, al-qa'idatu al-thalitha, qui elle aussi peut être une réponse à une des ambiguïtés à laquelle s'accrochent certains mouchrikoun. Donc, cette ambiguïté plutôt que les mouchikines vont dire est de dire que les polythéistes qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenaient comme intercesseur, prenaient comme divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des statues, des idoles. Ils vont dire, alors que nous, nous nous dirigeons vers des serviteurs pieux, vers des awliya, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment pouvez-vous nous comparer à eux? Alors que nous, nous demandons l'intercession auprès de serviteurs pieux, qui étaient pieux pendant leur vie, et les mouchrikoun invoquaient des statues. Donc la réponse à cela se trouve dans les propos de l'auteur rahimahullah qui nous dit dans la troisième règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu parmi des gens qui étaient divisés dans leurs adorations, dans ce vers quoi ils dirigeaient leurs adorations. Certains d'entre eux adoraient les anges. D'autres parmi eux adoraient les prophètes et les pieux. D'autres adoraient les arbres et les pierres. Et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus et n'a fait aucune différence entre eux. Et la preuve à cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset « Et combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Puis nous dit rahimahullah « Et la preuve que certains d'entre eux adorer le soleil et la lune, sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » Puis il nous dit, et la preuve concernant le fait que certains d'entre eux adoraient les anges, sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset, et il ne va pas non plus vous ordonner de prendre les anges et les prophètes pour Seigneur. Voilà, ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba. Ya'murukum bil-kufri ba'da imanikum, ba'da id antum muslimun. Puis nous dit rahimahullah, et la preuve que certains d'entre eux adoraient les prophètes, sa parole subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset, et lorsqu'Allah dira: ô Jésus, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il répondra: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es certes celui qui connaît parfaitement ce qui est insaisissable. Puis nous dit rahimahullah, et la preuve que certains d'entre eux adoraient les pieux, sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, ce qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Donc ici, ce qui est voulu, c'est certaines personnes, certains djinns qui étaient adorés par certains polythéistes qui, eux, ensuite, se sont convertis à l'islam. Et ces gens-là continuaient de les adorer. Donc Allah nous informe que ces gens-là, ces mouchikoun, adorent des gens qui, eux-mêmes, cherchent à se rapprocher au mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes sont devenus des serviteurs pieux, espèrent la miséricorde d'Allah et redoutent son châtiment. Donc, s'il montre qu'ils adoraient des serviteurs qui étaient pieux. Et il nous dit aussi, rahimahullah, la preuve concernant le fait que certains d'entre eux adoraient des arbres et des pierres, sa parole subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset. Avez-vous donc considéré Al-Lat et Al-Uzza, émanat cette troisième outre? Afaraytum Al-Lat wa Al-Uzza. Voyez-vous donc Al-Lat wa Al-Uzza? Donc, des divinités entre pierre et arbre qui étaient adorés par les mouchikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi, ainsi que le hadith de Abi Waqid al-Layfi radiyallahu anhu, qui a dit: nous sommes sortis en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn, et à cette époque nous avions abandonné la mécréance depuis peu. Les polythéistes avaient donc un arbre au pied duquel ils avaient pris l'habitude de se tenir et d'accrocher leurs armes. Et cet arbre était appelé Zatu Anwat, donc l'arbre sur lequel on accrochait des choses. Donc ils accrochaient leurs âmes en espérant avoir à travers cela de la baraka, de la bénédiction. Il dit, radiyallahu anhu, nous sommes alors passés devant donc un arbre et nous avons dit, qui est Sidra, donc un jujubier, et nous avons dit: ô messager d'Allah, désigne-nous ذَاتَ أَنْوَاتِ. Donc, choisis-nous un arbre, un jujubier, comme ces mouchikoun faisaient, dans le but d'avoir aussi de la baraka et d'accrocher nos armes sur cet arbre. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite du hadith, a répondu que l'acte qu'ils font est comme est comparable à ce que, ou ce qu'ils ont demandé, est comparable à ce que le peuple de Moussa a demandé à Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils sont passés devant un peuple qui adorait des divinités en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, al-shahid est que certains mouchikoun adoraient des arbres et cherchaient la baraka auprès de ces arbres en accrochant leurs armes. Donc, ici, l'ambiguïté de ces mouchikoun est de dire que ce qu'ils adorent est différent de ce qu'adoraient les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jugement qu'ils auront est différent de celui du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, donc, nous leur disons que cela est faux. Car comme le montrent les versets cités par l'auteur, rahimahullah, ces polythéistes adoraient des statues. Certains adoraient le soleil et la lune. D'autres adoraient des prophètes, comme Isa ibn Maryam. D'autres adoraient des serviteurs pieux et des djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune différence entre toutes ces catégories. Mais il les a tous combattus par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a dit, d'après le sens du verset, et combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune forme d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Donc, le fait de tous les combattre, car le shirk reste le shirk, qu'il soit fait avec une statue, avec un pieu, avec un ange, avec un arbre, ou avec toute autre chose. Donc ce qui les réunit est le shirk billahi tabaraka wa ta'ala. Donc cela montre que leur ambiguïté est fausse et que celui qui adore une statue est égal à celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala un pieu ou un prophète ou autre. Puis l'auteur rahimahullah finit par la quatrième règle dans laquelle il nous dit rahimahullah, il nous montre certains points à travers lesquels on voit clairement que le shirk dans lequel est tombé les polythéistes de son époque est pire que celui des premiers polythéistes. Car eux, donc les premiers qui étaient des mouchikoun, bishirk al-akbar, donc qui sont en enfer pour l'éternité, pour celui qui meurt sur cela, associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des divinités dans l'aisance, lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Mais en période de difficulté ou d'adversité ou de danger, comme lorsqu'ils se trouvaient en mer, alors ils se dirigeaient par leurs invocations vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ils délaissaient toute leur divinité. Car ils savaient qu'Allah est le seul créateur et le seul être à être capable d'aller secourir dans cela. Alors que les polythéistes de son époque, de l'époque de l'auteur rahimahullah, ainsi que ceux qui viennent après lui, eux vont se diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par leurs invocations, dans l'aisance et dans la difficulté, dans l'aisance et dans l'adversité, dans l'aisance et dans les périodes où ils sont en danger, où ils ont besoin de secours. Donc il nous dit, rahimahullah, la quatrième règle, il nous dit, les polythéistes de notre époque sont bien plus ancrés dans le polythéisme que les anciens. Car, bien que les anciens polythéistes associés à Allah subhanahu wa ta'ala en période d'aisance, il lui vouait un culte exclusif en période d'adversité. Quant aux polythéistes de notre époque, leur polythéisme est constant, aussi bien dans l'aisance que dans l'adversité. Et la preuve à cela est sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset, et lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Puis, une fois qu'ils sont sauvés, et qu'ils sont sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc ici, le fait que ces polythéistes associent Allah subhanahu wa ta'ala en période d'aisance et qui se dirigent vers lui seul subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont dans l'adversité, dans la difficulté, lorsqu'ils sont face à un danger. Et parmi les points qui sont aussi cités par les gens de science venant montrer que les derniers polythéistes sont plus ancrés dans leur shirk que les premiers, Al-Ayman, les sermons faits par les polythéistes. Donc à l'époque, Al-Mushrikoun, Kanu Yu'akiduna, donc ils affirmaient et ils renforçaient leur serment par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aymanikum. Donc ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala, ils appuyaient leur serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils respectaient d'une certaine manière le serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux polythéistes de nos jours, certains vont donner plus d'importance à un serment qui est fait par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est fait par une de leurs divinités, par une de leurs personnes pieuses qu'ils vont adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'importance qu'ils vont donner au serment fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils vont vouloir appuyer leur serment, ils vont jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre que la place que ces personnes qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur cœur, est plus immense que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour la seigneurie. Certains des derniers polythéistes vont, en plus d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et la divinité, vont aussi associer et imputer d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Donc ils vont imputer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala certains actes de la seigneurie qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils auront réuni entre le shirk dans l'adoration et le shirk fi ar-rububiyya dans la seigneurie. Et d'autres points que les gens de science citent qui viennent montrer que le shirk des mushrikin al-muta'akhirin aghlaz est plus ancré que celui des premiers mushrikoun. Wa al-kull mushtarikun fi shirk al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous sont associés dans le fait qu'ils ont commis du shirk akbar, qui est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt sur ce péché. Hada, wallahu alam. Et donc nous avons fini, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication résumée. Kama qila annana dhakarna al-aham insha'Allah wa tarakna al-muhim, en faisant en sorte de citer ce qui est le plus important et de délaisser ce qui est important, car al-waqtu la yasa'una, le temps n'est pas de notre côté, du fait que en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, en nous demandant subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, de combler nos manquements, de voiler nos défauts, de nous faire miséricorde subhanahu wa ta'ala, de nous accorder une part dans ce bas monde et dans l'au-delà, car il est certes subhanahu wa ta'ala l'audient, l'omniscient, celui qui est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقنا سيء الأخلاق والأعمال، فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب اليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.